Les paraboles de Jésus. La plupart des personnes qui viennent écouter Jésus ne sont ni des riches ni des savants. Elles n'ont pas fait d'études. Pour leur parler du royaume de Dieu, Jésus raconte des histoires courtes, inspirées de la vie quotidienne et de la nature. Ce sont les paraboles. La parabole du semeur. Jésus se trouve au bord du lac de Tibériade. Une grande foule est venue pour l'écouter. Jésus raconte cette parabole. Écoutez. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, il est arrivé que du grain est tombé au bord du chemin, et les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés sur la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Les 12 apôtres ne sont pas sûrs d'avoir bien compris. Alors Jésus explique. Le grain, c'est la parole de Dieu semée dans les cœurs des hommes. Certaines personnes ont entendu la parole, mais Satan la leur fait oublier. C'est la terre du bord du chemin. L'endroit pierreux, ce sont les hommes qui entendent la parole avec joie, mais abandonnent à la première difficulté. Les épines, ce sont les cœurs qui accueillent la parole, mais la laissent étouffer sous les soucis ou l'amour de l'argent. Enfin, il y a la bonne terre. Tous ceux qui entendent la parole l'accueillent et la mettent en pratique. Petit, puis très grand. Jésus prend une graine de moutarde. Le royaume de Dieu ressemble à cette graine. Elle est minuscule, mais quand elle pousse, elle devient un arbre et les oiseaux y font leur nid. Jésus dit aussi à ses disciples, « Le royaume de Dieu est semblable à de la levure qu'une femme naît dans de la farine. Il y a très peu de levure et beaucoup de farine. Mais la levure fait lever toute la pâte. » Le trésor et la perle. Jésus dit encore, « Le royaume de Dieu ressemble à un trésor caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Il le cache de nouveau, vend tout ce qu'il a et achète le champ. » Le royaume des cieux ressemble aussi à un marchand à la recherche de perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il vend tout ce qu'il a pour acheter la perle. Les deux fils. Un jour, des prêtres et des chefs du peuple viennent trouver Jésus et lui demandent « Qui te permet de parler comme cela? Pourquoi devrions-nous te croire ?» Jésus leur dit « Écoutez cette histoire, vous me direz ce que vous en pensez. » Un homme avait deux fils. Il dit au premier, « Mon enfant, va travailler à ma vigne. » Celui-ci répond, « Non, je ne veux pas. » Mais après, il regrette d'avoir parlé ainsi, et il part travailler à la vigne. Puis le père demande la même chose à son second fils, qui lui répond, « J'y vais tout de suite. » Mais il n'y va pas. À votre avis, lequel des deux fils a obéi à son père ? Les prêtres et les chefs du peuple répondent sans hésiter, « Le premier, bien sûr !» Alors Jésus leur dit, « Les gens que vous méprisez à cause de leurs péchés entreront avant vous dans le royaume de Dieu. Quand Jean-Baptiste vous a dit de changer vos cœurs, vous ne l'avez même pas écouté. Les pécheurs, eux, ont cru en lui. » Les pièces d'or. Jésus raconte une autre histoire. Un homme se prépare à partir en voyage. Il appelle ses serviteurs pour qu'ils prennent soin de ses richesses pendant son absence. Il confie au premier 5 pièces d'or, 5 talents. Au deuxième, il confie 2 talents et au troisième, 1 seul. Puis le maître part. Le premier réussit à gagner 5 talents de plus. Le deuxième en obtient 2 de plus. Quant au troisième, il préfère aller enterrer son unique pièce. Longtemps après, le maître revient de son voyage. Il appelle ses serviteurs. Le premier lui dit, « Maître, tu m'as confié 5 pièces, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître le félicite. Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Le deuxième serviteur s'avance. Tu m'as confié 2 pièces, j'en ai gagné 2 autres. Le maître lui dit, tu es un bon serviteur, tu auras une belle récompense. Entre dans la joie de ton maître. Le troisième n'est pas pressé de se montrer. Il dit, Seigneur, j'avais peur de toi, alors j'ai caché ton talent dans la terre. Tiens, le voici. Le maître se met en colère. Mauvais serviteur, espèce de paresseux, tu n'as rien fait de la pièce que je t'avais confiée. Eh bien, cette pièce, je la donne à celui qui en a déjà 10. Et toi, je te chasse. Le bon samaritain. Un jour, un spécialiste de la loi pose une question à Jésus. Maître, la loi dit qu'il faut aimer son prochain. Mais qui est mon prochain? Alors, Jésus lui raconte cette histoire. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Il est attaqué par des bandits qui le frappent et le laissent à moitié mort. Un prêtre passe par là. Il voit le blessé, mais continue son chemin. Un lévite passe aussi par là. Il voit le blessé, mais continue son chemin. Un samaritain passe par là. Il voit le blessé, et il a pitié de lui. Il s'approche, il le soigne, et il le conduit dans une auberge. Le lendemain, il donne 2 pièces d'argent à l'aubergiste en disant « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai à mon retour. » Maintenant, à ton avis, lequel des 3 hommes est le prochain du blessé? Le spécialiste de la loi répond « Celui qui a été bon avec lui. » Jésus lui dit « Tu as bien répondu. Maintenant, toi aussi, fais la même chose. » La brebis retrouvée. Parmi les gens qui viennent écouter Jésus, beaucoup ne sont pas très fidèles à la loi de Moïse. Les prêtres et les savants les appellent des pécheurs. Ils sont choqués parce que Jésus, lui, les accueille. Alors Jésus leur raconte cette histoire. Un berger a 100 brebis. Un jour, l'une d'elles se perd dans la montagne. Il laisse alors les 99 autres pour partir à la recherche de la brebis perdue. Lorsqu'il la retrouve, il la met sur ses épaules. Tout joyeux, il crie à ses voisins et à ses amis « Regardez, j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue !» Dans le royaume de Dieu, il y aura plus de joie pour un seul méchant qui regrette sa conduite et change de vie que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer de vie. Le fils perdu. Jésus raconte encore cette histoire. Un homme a 2 fils. Un jour, le plus jeune lui demande « Papa, donne-moi maintenant ma part d'héritage. » Puis il part dans un pays lointain et il gaspille toute sa fortune en menant une vie folle. Un jour, il est ruiné. Pour gagner un peu d'argent, il garde les cochons dans les champs. Il a tellement faim qu'il voudrait bien manger la même chose qu'eux. Désespéré, il se dit « Les serviteurs de mon père ont du pain tous les jours, alors que moi je meurs de faim. » Je vais rentrer chez mon père et je lui dirai « Je ne mérite plus d'être ton fils, mais s'il te plaît, prends-moi comme serviteur. » Il retourne donc chez son père. Alors qu'il est encore loin, son père l'aperçoit, court vers lui, le prend dans ses bras et le couvre de baisers. Le fils lui dit « Papa, ce que j'ai fait est très mal. Je ne mérite plus d'être ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle tunique, des sandales et un anneau d'or. Tuez le veau gras, préparons une grande fête, car j'ai retrouvé mon fils qui était perdu. » Le fils aîné revient des champs, il entend la musique et les danses, et demande ce qui se passe. Un serviteur lui répond, « Ton frère est de retour, alors c'est la fête. » Le fils aîné est furieux, il refuse d'entrer dans la maison, il se plaint à son père. « Cela fait des années que je travaille pour toi. Je t'ai toujours obéi, et tu ne m'as jamais donné le moindre petit chevreau pour faire la fête avec mes amis. Mais tu fais tuer le veau gras pour ton fils, ce voyou qui a gaspillé tout ton argent. » Alors, le père lui répond, « Mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Viens faire la fête avec nous. Ton frère était mort, et il est revenu à la vie. » Le pharisien et le publicain. Il y a des personnes qui font de gros efforts pour pratiquer la loi. On les appelle des pharisiens. Ce qu'ils font est très bien, mais certains en profitent pour mépriser les autres. Alors, Jésus leur raconte cette histoire. Un pharisien et un publicain vont prier au temple. Le pharisien prie ainsi : « Mon Dieu, merci, parce que je suis très différent des autres hommes. Moi, je suis juste, mais eux, ce sont des voleurs et des menteurs, comme ce publicain. » Le publicain, lui, n'ose même pas lever les yeux au ciel. Il prie ainsi : « Mon Dieu, prends pitié de moi. » « Eh bien, dit Jésus, c'est le publicain que Dieu a écouté, et non le pharisien. Car tout homme qui cherchera à être le plus grand sera abaissé, mais celui qui se fera tout petit sera élevé. »